L'homme de la paix, le pasteur Denis Ngoyi Mulunda. En plus de vous casser le temps des mains sans la corde. Mike Moussissi, le jeune millionnaire congolais. Ouli Mandela. Esther Chichi. Le jeune Fatou Guardiola. DJ Frank. Papi Kaké la poudre. Richard Abala le club. Maître Michel Mandela. Papa Sola, ma pressing est solo. Mimi Chikeba. Ma petite à Chelsea. Pesa RDC. Coupé Adeline Onema. Doris la Congolaise. André Kimbuta. Bella de l'efficacité Willy Carlos. Godard Motemona, dirigeant. Bienvenue Wawa. La Christian Mapinga. Rocoli se chope la GSK. JCB Colo. Charlène Badiama Kouele, maman sexy. Bédi Kouanda Joker. Natacha Yala, la baronne. Willy Bumbito. Christophe Bomolo. Mireille Mounemi. DJ Amarola. Cajou de Cologne. Pas juste ma mille pour Sarkozy. Chapeau, Salomon Escadella, Anto Longaye, Christian Lusagueno, Jean-Marie Kansamba, Docteur Nestor Kamamba Chaliko. Marino Kisasa. Et passe à mon Akatia Jobu, professeur Polo Santa Loku Mwamboka, Nkuluka, José Kongolo, Belotima Tsungi, et ma deux qui te combattent ma malamou.